Putain, y'a rien, c'est encore toi, enfoiré. Avec la plus bonne d'abattre. Et je suis d'ailleurs, je suis tellement d'ailleurs. Quand je rencontre, je repense au sous du détail. Ah putain de merde, j'ai plus rien d'autre à faire à part compter mes tunnels, merci le bon Dieu. Mais y'a encore cette pute qui croit que je vais lui faire un gosse sa mère. Toujours la même niaque, je suis revenu les niquer plus qu'avant. On est cramé à cause du four, les petits deviennent des gros, les grands finissent vieux dans le vif. On exhibe des billets violets, mon disque de rap et des envieux. Je me fais masser par une Thaïlandaise, 90 minutes après j'en reveux. Et y'a qu'on dit, on reconnaît les bêtes. Quand on doit couper la part en deux, ma mère m'a dit d'investir mes kits et de ne jamais donner mon don. Et maintenant, depuis que je suis dedans, je redaffe que les gros sont des gros mythes. Et patati, et patata, y'a que les gamins pour croire qu'ils sont blindés. Flashback.